إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه على أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقط تنبه على شيء. Le calam que j'avais donné par rapport à Bajrafil dans l'audio précédent, c'est basé sur mes souvenirs de l'audio que j'avais entendu qu'il avait fait lors d'une rencontre télévisée, je crois, avec une présentatrice où il parlait. Donc il est possible que ma mémoire m'ait fait défaut sur certaines paroles, mais le sens de ces paroles, c'est ça à peu près. C'est pas de l'exactitude, c'est pas des paroles du mot à mot, mais c'est à peu près ce qu'il avait dit. Et si quelqu'un il a une chose qui démontre que ces paroles diffèrent de ce que j'ai rapporté, alors qu'on fasse part que je corrige. Parce que je me rappelle avoir entendu de son audio. Mais comme je suis un être humain, je suis pas à l'abri d'avoir oublié ou d'avoir mal compris, c'est possible. Ce n'est pas du tout mon intention de mentir sur lui. Le fait de mentir sur quelqu'un, c'est pas permis en religion. Qui que ce soit. Voilà. Tayyib. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Najdi. Idha 'arafta ma zakara laka ma'rifat qalb عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. Donc l'auteur il dit que si jamais tu as su ce que je viens de te dire d'une connaissance complète de ton cœur, tu auras su que le shirk, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dans le sens relatif à rapprocher, où il dit, certes que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc tu auras su que la religion d'Allah, celle par laquelle il envoyait les messagers de leur premier jusqu'au dernier, que Allah n'accepte aucune religion en dehors de celle-ci. Et donc tu auras su dans quelle situation se trouvent la plupart des gens aujourd'hui comme ignorance de ce point. Taïeb. Donc lui veut dire par là, si tu as su, en fait c'est le sens de la ilaha illallah. Le vrai sens de la ilaha illallah, qui est la ma'bouda bihaq illallah. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Quant à sa parole, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha, que Allah ne pardonne pas qu'on l'associe, mais il pardonne entre ceux-là qui il veut. Là, le shir cita le khilaf qu'il y a eu entre les ulama par rapport à ce verset, que certains ont dit que ce verset inclut al-shirk al-akbar ou al-asrar, le shirk majeur et le mineur, que les deux sont compris dans ce verset. Et shir al-islam, rahmallahu ta'ala, il a des calems dans cette mas'ala différents. Des fois, il dit telle chose, des fois, il en dit une autre. Des fois, il dit que ça concerne les deux formes de shirk, et des fois, il dit que ça concerne que le shirk, l'akbar. Quoi qu'il en soit, yajibu ala kulli hal al-hadar min al-shirk mutlaqa. Quoi qu'il en soit, on doit faire attention au shirk de toutes les façons, qu'il soit majeur ou mineur. Comme ça, au moins, tu sors du khilaf. Toute forme de shirk, tu l'évites. Ne pas se dire, comme c'est le shirk asrar, la yukhaliduni finnar, fa la abes. Minimiser la chose. Dire comme c'est le shirk asrar, c'est pas trop grave. Tout shirk, le shirk asrar, après le shirk akbar, c'est le plus grand de tous les péchés. Le plus grand de tous les péchés. Il est sous la volonté d'Allah. Et le châtiment d'Allah, il n'est pas à minimiser. Ne pas se dire, comme les Yahoud disent, c'est le calème des Yahoud, que le feu ne nous touchera que quelques jours. Et s'il savait. Donc ne pas ressembler aux Yahoud dans ce genre de calème, de penser que la chose, elle est à prendre à la légère et que c'est quelques jours et après c'est fini. Car tu ne sais pas. Et même, هب أن يكون أيام معدودة فكيف ستكون هذه الأيام؟ Quand bien même ce serait quelques jours comptés, je crois que les gens qui disent cela ne réalisent pas l'intensité du châtiment qui est subi dans le feu de l'enfer. وَلَعَذُ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَنْ يَحْفَظَنَا وَيَكُمْ مِنَا. Donc après, il précise bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune religion en dehors de l'islam. Aucune religion en dehors de l'islam. Et l'islam, huwa ibadatullahi wahdahu. Quand même, ça c'est l'islam âme. C'est l'islam âme, celui par lequel sont venus tous les messagers. طيب كي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كي la soumission totale à Allah par le tawhid et de se laisser mener par son obéissance et de le désaveu du shirk et de ses gens. هذا هو الإسلام العام الذي جاء به الرسل كلهم. C'est l'islam par lequel sont venus tous les messagers عليهم السلام. Ensuite, comme on l'a expliqué, vous le savez, les rites diffèrent. Et l'islam khas, c'est celui par lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dernier. Faqala ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui cherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui. Donc les gens sont dans une ignorance, grande ignorance. La plupart des gens en islam sont ignorants du sens de la ilaha illallah réel. Qu'est-ce qu'il inclut? Et les actes qui en découlent. L'alliance et le désaveu qui en découlent également. Par dahada, qu'on a le mu'allifu. Toujours par rapport à son kalam d'avant, par rapport à la ilaha illallah et que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que l'islam et que la plupart des gens ne connaissent pas le réel sens de la ilaha illallah, il dit, afadaka fa'idatayn. C'est-à-dire, si tu as su cela, qu'on a afadaka fa'idatayn. Al-oula, al-farah, bi-fadlillahi wa rahmatihi, kama qala Allah ta'ala, qul, بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم. Donc ces choses que tu as su auparavant vont t'apporter deux faïdas à connaître. La première, c'est la réjouissance d'avoir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Comme Allah ta'ala dans le sens relatif à approcher dit par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Et c'est par cela qu'ils se réjouissent, et cela est meilleur que ce qu'ils ont réuni. Et également cela t'apporte quoi comme faïda? Thania, al-khawf al-azim, une peur immense. Donc tu es entre deux extrêmes, une réjouissance immense et une peur immense. C'est quoi cette réjouissance? Que Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de comprendre ce que la plupart des gens n'ont pas compris, qui est le sens sahih de la ilaha illallah. Donc ça, c'est une chose que Allah t'a accordé comme grâce. Car comme l'auteur l'a dit, la plupart des gens ne savent pas. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a accordé le pouvoir de le comprendre et de pouvoir le savoir. Donc cela est meilleur que tout ce que les gens pourraient rassembler pour toi. Savoir le sens de la ilaha illallah et de l'appliquer, il n'y a pas plus grand bienfait pour le muslim fi hadhihi ad-dunya. Ka hadha huwa miftah an-najah, c'est la clé de la réussite. Wa al-khawf al-azim, Mahwa, la peur immense, c'est de tomber dans ce quoi sont tombés ces gens comme ignorance. C'est-à-dire, par la suite, tu as peur. Quand tu as su cela, tu as peur de l'ignorance. Car tu as vu le fadl du ilm, et tu as vu son importance, et tu as vu ce que ça apporte. Donc, de là, alladhi hasala ala al-ilm, celui qui est l'ilm, il a peur du jahl. Il a peur de son opposé. Car il voit dans quoi les gens y sont, et il ne veut pas être comme cela. Et que ce jahl peut apporter de grands préjudices. Comme le shir va le citer maintenant. فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَ الْإِنسَانِ يَكْفُرُ بِكَلِمَاتٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُحْذَرْ بِالْجَهْلِ. Amas'ala. Pourquoi? Car maintenant il dit, si jamais tu viens de comprendre que l'insan, la personne peut mécroire par une simple parole qu'il aura prononcée, alors qu'il ignore l'immensité de ce qu'il vient dire, il peut mécroire par cette parole-là, et que son ignorance ne sera pas une excuse pour lui. Son ignorance ne sera pas une excuse pour lui. Donc là, le chien va rentrer dans la masala de El-Ouz Bil-Jahl, qui est une masala qui a fait beaucoup de polémiques, l'excuse par l'ignorance. Et il va en parler là dans le livre. Donc le shir dit, أولاً لا أظن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم فهذا لا يعذر بالجهل وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن لو كلاما آخر يدل على عذر بالجهل. Donc le shir dit, Cheikh Al-Othaymin, il dit, et je ne pense pas que Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab voit le fait que l'ignorance ne soit pas une excuse. Hormis pour une personne qui n'aurait pas appris. D'accord? Une personne qui a devant lui les moyens d'apprendre qui n'aurait pas appris. Elle a été négligent. Il n'a pas appris, donc lui, non, son ignorance ne sera pas excusée. Celui qui avait devant lui les moyens d'apprendre, il avait des savants, il avait des toulab al-ilm, des kutub, les asbab étaient présents pour qu'il sache. Il s'est détourné, il n'a pas voulu savoir. Lui, son ignorance ne l'excuse pas. Il dit, s'il parle de cette personne-là, alors naam. Mais sinon, il dit qu'il a d'autres paroles, le shir. Il a vu d'autres paroles de lui, comme dans Durul Siniya, où le shir a justement des paroles qui démontrent que lui, il voit que l'ignorance est une excuse pour ne pas se faire yani kaffar. Donc c'était un long kalam, dans lequel le shir démontre sa aqida, car il était accusé d'être takfiri, dans laquelle il s'innocente de cela. Et à la fin, il dit bien, طيب وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحان الله هذا بختان عظيم. Donc après que le shir, c'était différents points, ils sont assez longs, donc je ne les ai pas mis, parce que le shahid, là j'ai mis juste le shahid de son kalam, et pour ceux qui veulent retourner à l'original, c'est dans Durul Siniya, volume 1, page 56. Il y a tout le kalam qu'il cite. Donc il dit, si nous ne rendons pas mécréants ceux qui ont adoré les idoles présentes sur la tombe de Abdul Qadir, sur la tombe de Ahmed al-Badawi, et autres parmi ces gens-là, et cela pour cause de leur ignorance et du fait que personne ne les a conseillés, ne leur a démontré la chose, alors comment allons-nous, en mécréant une personne qui ne fait pas de shirk à la base et qui n'a pas fait la hijra vers nous, ou qui n'a pas mécru et qui combat, qui fait le djihad, car auparavant, les gens ont fait croire que celui qui ne fait pas la hijra, que le shirk est rendu mécréant. Donc là, il dément cela. Donc il dit, le shahid, c'est quoi? Il dit, li ajli jahlihim wa adam man yunabbihum. Du fait qu'ils soient ignorants, que personne ne leur a renseigné, ne leur a fait comprendre que ce qu'ils faisaient, c'est du shirk. Donc là, il voit que la personne qui n'a pas su, et qui n'a pas eu devant elle les moyens de savoir, il est innocenté par son ignorance. Taïb. Après le shir, il dit, shir al-Bulon الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم للشخص المعين أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر وهذا الترك كفر ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين. Donc ils disent de cette masala qui est le عذر بالجهل, c'est une masala dans laquelle il y a beaucoup de khilaf, comme les khilaf qui sont dans le fiqh liés aux ijtihadat, qui se peut par exemple que ce soit juste un ijtihad verbal, c'est-à-dire que il y a rien en fait, lui veut dire par là du fait que les ulama ont des paroles et que ces paroles-là non, ce ne sont pas à prendre dans l'absolu et appliquer sur une personne désignée. Ce sont des itlaqat, comme on dit. Des paroles comme ça, générales, qui sont données, comme dans le Coran. Man lam yafal kaza fa huwa kaza. Celui qui n'a pas fait telle chose, donc c'est un kafir. Celui qui fait telle chose, fa huwa kafir. Celui qui fait telle chose, fa huwa mushrik, par exemple. Sans pour autant viser une personne en particulier. Taïeb. Après, il dit par contre, ce hukm, est-ce qu'il s'applique sur tout individu que l'on voit, que l'on verrait faire cet acte? Là est la divergence. Car il faut prendre en compte, quand même, les choses qui amènent à ce qu'on puisse appliquer ce hukm ou pas. Comme par exemple, les choses qui empêchent que ce hukm soit appliqué sur la personne. Ou les choses qui s'impliquent parce que la personne, elle a fait par rapport à sa situation. Et il dit que cela est de deux catégories. Il dit, awalan, an yakuna min shakhsin yadin bi ghayri al-islam aw la yadin bi shay'in wa lam yakun yakhtar bi balihi an dinan yukhalif ma huwa alayh. فهذا يجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل والله أعلم بما كانوا عاملين. Donc il dit premièrement, celui sur lequel on applique un jugement de kufr, qui est-il? Il dit c'est une personne qui n'a une religion autre que celle de l'islam. Ou alors qui n'a pas de religion. Et qui n'a jamais su, voire même imaginé, qu'il existait autre chose que ce sur quoi il est. Donc c'est un ignorant. Donc lui c'est quoi? Lui cette personne-là, en soi, en ce bas monde, dans cette dunya, on applique sur lui les règles du kafir. C'est un kafir pour nous. Vous voyez? Lui pour nous c'est un kafir. Kafir asli. Mais si demain il venait à mourir, on dit que son sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala, fil akhirah. Et après il y a un khilaf par rapport à cela, ce qu'on appelle al-fitra, ceux qui n'ont pas reçu le message, qu'en est-il de eux? De leur sort par la suite. Et Shir, lui, et l'enseignement, il dit qu'il voit qu'ils seront éprouvés. Afin que Allah sache qui aurait accepté, qui n'aurait pas accepté. Et Allah est plus savant. Bien évidemment. Il est plus savant, il sait. Mais il va les éprouver quand même. Comme cela est venu dans des hadiths. Donc celui qui n'a pas reçu le message en ce bas monde, pour différentes raisons. Voyez? Lui, on ne dit pas, on ne sait pas ce qu'il est. Fidounia ou kafir. Celui qui n'est pas muslim, c'est un kafir. Il n'y a pas de manzila ben manzilatay, comme les mu'tazila. Il n'y a pas de voie intermédiaire. C'est un kafir pour nous. Et en ce bas monde, on le traite comme un kafir. Il est enterré comme des koufars. Il n'enterre pas que les muslimines, ni rien du tout. Mais par la suite, est-ce que nous on dit, wa min mukhalid al-finar? Ça on dit, amruhu ila Allah. Si on te dit, est-ce qu'il sera au feu éternellement, on dira, son sort revient à Allah. Nous, on sait que, dans ce bas mot, c'est un kafir. Après, est-ce qu'il y a le message s'il n'a pas eu? Ça, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais le fait de faire d'agir de la sorte, on ne fait pas de tout un takfir. Parce que des gens, ils croient que toute personne dont on ne sait pas s'il y a le message ou pas, on ne peut pas le kafir. On dit si. On le rend mécréant. C'est un mécréant. C'est pas un musulman. Est-ce qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il va dire non. Donc, celui qui dit pas cela, c'est pas un musulman. Il n'y a pas de choses, comme on a dit, intermédiaire. Donc ça, c'est le premier. Deuxième cas, et ça également c'est le cas des, j'ajoute, c'est le cas des de ceux qui naissent avant la de ceux qui meurent avant. C'est le cas de ceux qui meurent avant la puberté également. Il y a un khilaf, il y en a certains qui disent qu'ils seront éprouvés, d'autres qui disent qu'ils seront avec leur père. Il y a un khilaf, grand khilaf dans la mas'ala, et d'autres hadiths qui disent qu'ils seront au Jannah. Wa dal kol alazi tarajjah indana. C'est le kol qu'on voit comme étant le plus juste, c'est que les enfants qui sont tous morts avant la puberté sont au Jannah. Hada kour Sheikhina kadhalik. C'est le cours de Sheikh Yahya al-Hajouri. Taïb. Après, il dit deuxième nom à Thani de ces gens-là. An yakuna min shakhsin yadin bil-islam, walakinnahu asha ala hada al-mukaffir. Walam yakun yakhtar bibalihi annahu mukhalifun l'islam. Walan nabahu ahadun ala dhalika. Fahada tajri alayhi ahkam l'islam zahiran. Amma fil akhira fa amruhu ila Allah yadda. فأمره إلى الله عز وجل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. Donc il dit la deuxième personne, c'est une personne qui, elle à la base est musulmane, c'est un musulman, mais qui vit dans des choses qui sont du shirk et du kufr. Et il n'a jamais su que ces choses-là s'opposaient à l'islam. C'est-à-dire depuis qu'il est né, il est sur l'islam, quand même il reconnaît l'islam. Il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme étant son créateur et comme étant le seul qui mérite d'être adoré, mais il ne sait pas que certaines choses entrent dans le shirk. Il reconnaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'apporte à l'islam. Si tu le demandes, il dit « un musulman ». Et cependant, là où il vit, les gens font du shirk et du kufr. Et lui ne sait pas que ces choses-là s'opposent à l'islam. Il n'a pas su. Donc lui, le shirk, il dit quoi ? On se bat monde, on se comporte avec lui. Si jamais demain il venait à mourir, on parle. Hein. Quelqu'un qui a vécu comme ça. Comme c'est souvent le cas, des gens disent « Ouais, moi, ma grand-mère, ma salène, au bled, allez voir les Sahara. » Elle savait pas lire, elle savait pas écrire, elle comprenait pas l'arabe fosha, masalan. Et quand elle faisait du sihr, c'est qu'elle pensait, comme c'est le cas de beaucoup de gens, que cela fait partie de l'islam. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes dans le monde. Et elle est morte. Donc quel jument est-ce qu'il en découle? Donc le shir répond à ça, dans cette situation-là, cette personne-là, fi hadi dunya, on se comporte avec elle comme un musulman. C'est-à-dire que, yusalli ala shakhs, yudfan fi maqbara al-muslimin wa ghayr dhalika. On fait la salat sur lui, la salat janaza. On l'enterre dans le maqbara des muslimins. Voyez? Il y a l'héritage, il y a tout ce qui s'ensuit. Mais après, on dit, amuruhu ila Allah ba'da hadha. Est-ce qu'il est min ahl al-jannah? Ou min ahl al-nar mukhalidin? À la base, on ne peut pas le savoir, ça. Pour quelqu'un qui est musulman. On le sait pour un kafir. Un musulman, on ne peut pas savoir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas non plus dire qu'il est qu'Allah va lui pardonner. Car Allah est plus savant de ce qui est dans son cœur, et est-ce que la hujja l'a eu ou pas. Nous, Narkoum al-Azawir, que pour nous, il ne savait pas. Et là où il était, dans le milieu où il vivait, personne ne le sait, c'est une chose qui est propagée que personne ne sait. Le jahil, il est montachir. Donc celui-là, il dit, on se comporte avec lui, en ce bas monde, après sa mort, en disant que c'est un musulman, mais que, fil akhira, amruhu ila Allah. On dit pas que c'est pas un musulman, ou que c'est pas un kafir, on dit qu'on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas. C'est ou l'un ou l'autre, mais nous, on ne sait pas. Et c'est Allah qui sait, par la suite. Après, il dit, parmi les adillah, après, il va citer justement des paroles du adillah, du kitab al-sunnah, et des calèmes des gens de science. Il dit, فَمِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Que dans le sens, Allah, il dit, et nous n'avons jamais châtié, si ce n'est après avoir envoyé un messager. C'est-à-dire que l'argument soit établi. La preuve soit donnée. وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Donc il dit que ton Seigneur, ou plutôt ton Seigneur n'a pas détruit de contrées sans qu'il ait envoyé un messager auparavant pour leur réciter nos versets, et nous n'avons pas détruit de citer, ce n'est que ces gens étaient des gens injustes. Des gens injustes. Wa dhahir kanu yurid az-zulm al-akbar. Comme s'ils voulaient le zulm là, bi ma'na al-kufr wa shirk. Wallahu a'lam. Wa qala Allah ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Que Allah envoie des messagers, annonciateurs et avertisseurs pour qu'il n'y ait aucun argument pour les gens sur Allah après les messagers. C'est-à-dire que les gens ne diront pas, Allah, tu ne nous as pas donné d'argument. Nous ne savions pas. Les messagers ont été envoyés pour, justement, donner des preuves aux gens de ce qu'ils font. Donc, Allah Ta'ala, « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. » Et que, nous n'avons pas envoyé de messagers, ce n'est par la langue de son peuple, afin qu'il leur éclaircisse. Et que Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut. وَيَذَلِكَ مِنِ الْآيَاتِ. Donc il dit, il est révélé comme l'ayat d'Allah à la anne l'hujjata la taqoumu ilé ba'd l'ilm wal bayan. Donc il dit que justement, ces versets démontrent bien que la preuve n'est considérée comme étant donnée qu'après la science et l'éclaircissement. Attention, quand on dit bayan, éclaircissement, c'est-à-dire que la personne, tu lui dis la chose de façon qu'elle comprenne. Par exemple, c'est pas demain quelqu'un il vient, il va voir un arjami, un non-arabe, et lui parle en arabe sur des versions en arabe sans les traduire. Il dit, c'est bon, toi, je t'ai dit, le message t'est venu, tu n'écoutes pas. Il n'a pas compris ce que tu lui as dit. Il ne parle pas l'arabe. Donc, il faut que la chose soit parvenue, que la personne l'ait compris. Et quand on dit compris, on ne dit pas que, de façon relative, que lui, il est compris en soi, mais que la chose soit parvenue de façon compréhensible. Après, parce que t'as des gens, ils veulent pas comprendre. D'ailleurs, ils vont dire, j'ai pas compris. Toi, tu l'as bien expliqué. C'est comme les koufars. Des fois, tu leur expliques qu'il y a un créateur, les athées, et ils ne veulent pas comprendre. Tu l'expliques bien que tout ce qui existe comme dans cette création, tu donnes des exemples et dis, non, je comprends pas. C'est, pourtant, c'est extrêmement simple à comprendre. Lui, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas compris. Il a compris, mais il ne veut pas. Il faut bien comprendre la chose. Quand on dit qu'il est compris, ce n'est pas que lui, la personne en soi, te dise « Ah, j'ai compris, ça y est, alhamdoulilah ». Non, c'est que toi, tu lui as donné des arguments compréhensibles que toute personne comprendrait à la base. Maintenant, si lui ne l'a pas compris, c'est son problème. Il se peut qu'Allah lui ait mis un voile sur le cœur pour qu'il ne comprenne pas, pour qu'il soit guéri pour le mal qu'il a fait. Ah, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Mais après ne pas dire, partir dire « Est-ce qu'il a vraiment compris ce que je lui ai dit ?» Car la religion, elle est simple à comprendre. Le tawhid, les bases du tawhid, pas même, les choses élémentaires de tawhid sont faciles à comprendre. Et le shirk kazalik. Les choses qui sont faciles à comprendre, il faut de l'Allah ta'ala. Après, on te dit pas que le tawhid, tu vas le comprendre en une heure, en deux heures. C'est des choses qui prennent du temps. Mais des points essentiels liés au tawhid, il y en a susceptibles de t'interpeller, de te faire comprendre le danger que tu encours si tu restes là-dessus et qui t'inciterait à aller chercher un mazid de ilm, qui t'incite à aller te renseigner. Et ça, à la base, le fait qu'on te dise qu'il y a un créateur, que tu dois l'adorer, c'est lui qui t'a créé, qui t'a envoyé des messages avec des livres, et que celui qui n'obéit pas ira en enfer, et celui qui réussira au paradis, normalement suffit à un être humain à aller chercher la vérité. À la base, ces points-là suffisent. Aller chercher la vérité. On te dit pas qu'elle suffise à le convaincre que l'islam, c'est l'argent du haq tout de suite, mais au moins qu'il s'interroge sur son existence, sur sa vie et son devenir. Et après, il cherche, il fait son enquête et il cherche. Et s'il demande à des gens, on lui répond. Et on lui répond de façon claire et limpide, qu'il comprenne sur quoi il est comme mécréance ou comme shirk. Voyez ? Et après, s'il dit, je n'ai pas compris, alors tu lui dis les choses clairement, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des messagers avec la langue de leur peuple pour qu'ils ne disent pas, nous n'avons pas compris. Et les messagers étaient des gens éloquents, à la base, qui savaient s'exprimer auprès de leur peuple. Et qui avaient des signes avec eux, des miracles, pour démontrer qu'ils étaient, qu'ils n'étaient pas des gens de l'ordinaire, du fait qu'ils sont des gens comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont des hommes comme tout le monde, mais ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, donc ils sont au-dessus des gens. Ils ont un fadl que d'autres n'ont pas, comme le message, et pour démontrer la véracité de leurs paroles, ils venaient avec des miracles. Donc, كذلك من الحديث من السنة في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Donc parmi les preuves de cela, le hadith rapporté par Abu Huraira chez l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, nul n'entendra parler de moi de cette communauté, c'est-à-dire la communauté à laquelle il a été envoyé, Ummat al-Da'wa, et non pas les gens de l'islam, mais l'humanité entière après sa venue sont Ummat al-Da'wa. C'est ceux, la Umma qu'on appelle, et ceux qui l'ont suivi sont Ummat al-Istijaba, la Umma qui ont répondu. Donc il dit, parmi cette Umma, qu'il soit un Yahoudi ou un Nasrani, puis qu'il meure sans avoir cru en ce en quoi j'étais envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. Donc celui qui entend parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans tachouir, bien évidemment, sans tachouir, c'est-à-dire sans mensonge, c'est-à-dire on parle de lui d'une façon normale, ce n'est pas on entend parler de lui comme si c'était un, comme les koufars le faire comprendre, que c'était un voleur ou un pédophile, des choses qui font fuir, une façon qui démontre qui il est, et ça c'est facile à savoir aujourd'hui que musulmane, alhamdoulilah, et que par la suite, il ne croit pas en ce en quoi je suis venu, il sera parmi les gens du feu. Donc ça démontre que l'envoi du messager, wa bimbab ikumat al-hujja ala nas, c'est une preuve donnée aux gens. Donc là, la jahiliya est terminée. Zaman al-jahiliya est terminée, avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La jahiliya après les relatives, on peut dire que des gens, dans leur mode de vie, et eux, avant leur islam, étaient dans une jahiliya. Mais la jahiliya, la wajl al-umum, elle est finie, n'existe plus, depuis la venue de l'islam. Donc là, aujourd'hui, on va s'arrêter là, et demain, Inch'Allah, on prendra des paroles de Ahl al-Ilm, par rapport à la mas'ala. Là, il a cité l'adillah du kitab wa sunnah, que une personne, on ne peut établir sur elle un jugement tant que la preuve ne lui a pas été donnée. Si jamais c'est quelqu'un qui est mort sur le kufr, et qui n'a pas reçu le message de l'islam, on dit qu'il est mort mécréant, kafir, mais fil akhirah, hukmu ila Allah, c'est Allah qui sait s'il éprouvera s'il sera parmi les gens du feu ou des gens du Jannah. Et le musulman qui lui a vécu dans l'ignorance, dans le shirk, c'est-à-dire qui sait qu'il est musulman, qui a vécu sur des choses qui amènent sont le kafar à la base, des choses qui sont des mukafirat, qui ont le mécréant, mais lui ne savait pas, d'accord, ne savait pas que ces choses-là rentraient mécréants, que s'opposent à l'islam, du fait qu'il est dans un endroit où tout le monde le fait, qu'il ne parle pas l'arabe, il ne comprend pas le Coran quand il le lit, ou plein de choses, des ambiguïtés qu'il aurait, mais lui ne sait pas que ce qu'il fait là, ça s'oppose à l'islam, il ne le sait pas. Vous voyez? Là, et après, par la suite, il meurt. Là-dessus, on dit que lui, son jument, c'est que fils d'Adunia, on se comporte avec lui comme un musulman, c'est-à-dire on l'enterre, on fait l'installation sur lui et tout, mais hukmuhu illallah fil akhirah. Et là, c'est une masala sur laquelle il y a beaucoup de khilaf. Il y a des choses, c'est-à-dire, ulama, il dit, il y a des choses, tu ne peux pas ne pas les savoir. Et pourtant, on dit, quelqu'un demain, il s'est converti à l'islam, masalan, tayyib, il faisait des choses avant l'islam, dans le kufr de la mécréance. Après, c'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et des choses, il ne sait pas qu'ils font partie du kufr. Après son islam, il a continué à les faire. Et personne ne lui a dit que c'est du kufr. Et il meurt là-dessus. Est-ce qu'on va dire que c'est un kafir? On va dire, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il n'a pas encore appris. Personne ne lui a démontré. Donc lui, il rentre là-dedans. Que, hukmuhu illallah fil akhirah. Est-ce qu'il aurait continué après le bayen, ou est-ce qu'il aurait arrêté? On ne sait pas ça. Parce que t'as des gens, tu as fait le bayen, ils continuent quand même. Eux, c'est des kuffars. Tu leur as démontré qu'ils continuent à faire du shirk, eux, khalas, le jugement est établi sur eux. Mais celui, tu ne sais pas s'il a accepté ou pas, il est mort, sans qu'on lui ait dit. Là, c'est notre mas'ala. Pas même? Parce qu'on a pris pour nous aujourd'hui, on continuera demain. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك